Mes amis m'appelaient Marcou l'écureuil. Mais c'était bien avant que je sois maudit. J'avais encore alors droit de fermer l'œil. Après la tombée de la nuit, si je cours tout le jour, c'est que j'ai peur de tout. Du moindre courant d'air dans mon poil roux, de l'ombre de ma queue qui me poursuit partout. Une brindille qui craque, je deviens fou. Je voudrais reposer mon front contre la branche, sous l'écorce, écouter couler la sève à son rythme, accorder mon pauvre cœur qui flanche et m'offrir une nuit sans rêve. Plus d'amis qui m'appellent ma trou d'écureuil. L'ennemi, c'est la nuit qui revient encore. Quand les yeux grands ouverts, cachés dans les feuilles, j'attends le retour de l'aurore. Je fais ce que je peux pour ne pas m'endormir, mais quelquefois malgré tous mes efforts, pour une seconde ou deux, je me sens m'assoupir. Et voilà qu'à l'instant où je m'endors, pendu la tête en bas, un vampire se réveille, une fine membrane entre les doigts, des dents de carnassier et de larges oreilles prêtes à m'envoler dans le bois. Dans la nuit, on m'appelle le clou du cercueil. Je décolle en poussant des cris suraigus. Parce que je suis vampire chez les écureuils, on m'a banni de ma tribu. Mais tant pis, prédateur, voilà ce que je suis. Et ma nuit sera blanche, la faim me tenaille. J'ai besoin de croquer du papillon de nuit, du hanneton caché dans les broussailles. Au matin, suspendu, fourrure à repousse-poil, j'ai ce sale goût de sang là dans la bouche, levant les yeux au ciel, croyant voir les étoiles. J'y trouve des racines et des souches. Mes amis m'appelaient Marcou l'écureuil, mais c'était bien avant que je sois maudit. J'avais encore alors droit de fermer l'œil. Après la tombée de la nuit, visitez la forêt, prenez tous les sentiers, sauf celui qui contourne l'arbre mort. C'était un châtaignier que le temps a creusé, et c'est lui qui abrite une vraie jeteuse de sorts.